On va commencer par comprendre que l'homme est bâti de mémoire, c'est-à-dire que l'homme a un schéma d'éducation de sa naissance à l'âge où il est rendu, que l'homme a premièrement une mémoire génétique, donc mémoire avant même sa naissance, que l'homme a des mémoires de réincarnation pluralitaire, comme on l'a déjà vu. Donc l'homme est déjà à sa naissance plusieurs petits égos qui doivent fusionner en un égo. Une personne qui a des problèmes de personnalité, on appelle ça des dédoublements ou encore des triplements de personnalité, c'est simplement justement des égos de forme réincarnative qui n'ont pas réussi à s'entendre parce que leurs vibrations sont différentes, un peu trop. Donc, il n'y a pas eu de fusion au niveau de l'astral, donc de l'ego. Alors, ce qui fait que l'ego, c'est l'individu qui souffre, c'est l'individu qui est heureux, c'est donc automatiquement l'individu qui veut être heureux et qui veut ne pas souffrir, donc c'est l'individu qui désire. Parce que quel que soit le désir qu'on a, c'est toujours un désir par rapport à fuir une douleur ou une souffrance et acquérir un bonheur ou un plaisir. Je désire une auto parce que ça me fait plaisir. Je désire vendre mon auto parce que je suis tanné de mon auto. Donc je souffre d'une façon, disons, minuscule, mais je commence à souffrir. Parce que si ça fait 5 ans, je veux vendre mon char, il n'est toujours pas vendu. Lentement, à un moment donné, on finit par mettre le feu dedans. Une souffrance. Alors, l'ego, c'est... Pour présentement, chez l'homme, disons 99,9% de l'homme et de la femme. Bref, l'ego, ben c'est ça, c'est nous autres, l'ego. Et cet ego-là a un rôle. Si tu es capable, intellectuellement parlant, d'envisager la vie, donc si tu es capable, avec le corps mental, d'envisager la vie, de te servir de tes mémoires d'une façon mathématique et logique, ce n'est pas l'ego qui fonctionne. Mais toutes les fois que cette... visionnement mathématique et logique-là est teinté par une émotivité, par un désir, par une peur, par un empressement, une impatience, par n'importe quel genre de phénomène, justement, qui se rapporte à l'ego. Alors, on dit dans ce temps-là que l'ego, donc que l'astral, vient teinter le mental, la parcelle intelligente d'une façon intellectuelle de l'homme. Alors, ce qui fait que l'ego n'a qu'un rôle à jouer. Dans l'évolution de l'homme, sur la planète Terre, l'ego, à l'origine, n'existait pas. Maintenant, pour permettre à l'homme d'arriver à ce qu'il va arriver, c'est-à-dire pour permettre à l'homme d'entrer en contact avec des énergies extraplanétaires, des énergies supramentales, ou encore l'Esprit Saint, hein, on a des paquets synonymes, pour permettre à l'homme, c'est-à-dire pour permettre à des formes d'énergie qui s'exprimaient dans un véhicule matériel, dans un véhicule vital, dans un véhicule astral, donc légèrement émotif, pour permettre à ces formes d'énergie-là d'atteindre l'énergie supérieure, il fallait absolument passer par la phase de création de l'ego. Et présentement, l'homme devra passer, maintenant que l'homme a un ego, l'homme va devoir passer par une phase de, disons, destruction de l'ego. Alors, ce qui fait que tu n'avais pas d'ego et tu ne valais rien. Tu as un ego, tu vaux toujours, disons, rien. Et quand tu n'auras plus d'ego, tu vaudras réellement quelque chose à l'échelle, disons, de notre planète. Alors, ce qui fait que le rôle de l'ego, pourquoi l'homme souffre? Parce que l'homme a un ego. Pourquoi l'homme a un ego? Pas pour souffrir. Pourquoi l'homme désire? Parce que l'homme a un ego. Pourquoi l'homme a un ego? Pas pour désirer. Mais par contre, l'ego de l'homme a comme rôle, justement, c'est lui-même. Ça donne le rôle de sauver l'humanité. Ça donne le rôle de vivre heureux. Ça donne le rôle de ne pas vivre malheureux. Ça donne le rôle d'avoir une famille. Ça donne le rôle de réussir sa vie. Ça donne le rôle de tellement de choses. Mais l'ego n'est pas là pour pouvoir justement travailler par rapport à des rôles comme ça ou assouvir une finition de rôle dans ce genre-là. L'ego, le premier ego qui est apparu sur la planète Terre, ça a été la densification des mémoires. L'ego, c'est l'homme et l'homme n'est que mémoire. Parce que si vous éliminez la mémoire chez l'homme, psychologiquement, l'homme n'est plus rien. Éliminons la mémoire totalement chez l'homme et même le corps ne peut plus garder sa forme et il pourrit. Et la mémoire qui garde le corps en forme, c'est l'énergie vitale, donc la vie. Alors, si tu élimines la mémoire chez l'homme, il ne reste plus rien. La première densification de cette mémoire-là a été une matière, qui est la planète Terre. Deuxième densification, quand on parle de matière, on parle évidemment d'énergie vitale. Deuxième densification, ça a été les mémoires des événements enregistrés dans la matière. Alors, ce qui fait que ces mémoires-là, des événements enregistrés dans la matière, et comme je le dis souvent, disons qu'une preuve que la mémoire, que la matière enregistre, c'est les cassettes, les photos, etc. Alors, ce qui fait que cette matière-là, qui était une densification de mémoire, donc qui était un ego, parce que chez l'homme, l'ego astral, donc l'ego psychologique, c'est tellement identifié à lui, c'est-à-dire que l'homme croit n'être qu'un schéma d'émotion. L'homme croit que c'est normal de souffrir, l'homme croit que c'est normal d'avoir peur, l'homme croit que c'est normal d'être heureux, l'homme pense bien des choses, et ces choses-là, ce sont l'ego, justement, qui les pense, qui les envisage. Et notre ego s'est tellement identifié, l'ego psychologique, qu'il a fini par se prendre aussi pour le vital et aussi pour le corps matériel de l'homme. Alors, ce qui fait que notre ego, qu'est-ce que c'est votre ego? Bien, votre ego, c'est aussi votre corps physique. La densification parfaite de l'ego psychologique, c'est le corps physique, ce qui fait que l'individu doit donc travailler son corps physique pour plaire à son ego. C'est-à-dire que si je dis à un individu qu'il a un grand nez, je l'insulte psychologiquement. Mais sa psychologie n'a pas de grand nez. C'est le corps matériel qui a un grand nez, mais pas la psychologie. Et je n'insulte pas le corps. Je n'insulte que la psychologie qui, elle, va faire réagir le corps pour lutter contre l'insulte, c'est-à-dire qu'elle va soit le rendre gêné ou soit encore le mettre en fonction de se battre pour lui prouver qu'il n'y a pas un grand nez. Mais il y a un grand nez pareil. C'est pas parce que tu prouves à quelqu'un ou que tu le fasses changer d'idée que tu changes ta matière physique. Par contre, l'ego se sent mieux après avoir prouvé ou après avoir donné une volée ou après, etc. Bon. Alors, ce qui fait que la densification totale de l'ego est rendue au niveau de l'échelle de la matière. Et ça, c'est une gaffe terrible. Parce que non seulement l'ego psychologique a des problèmes à vivre, il doit en plus s'imaginer que les problèmes du physique sont des problèmes de la psychologie, sont des problèmes de l'ego psychologique. Le rôle de l'ego lui-même, qu'est-ce que l'ego a à faire chez l'homme? Bien, premièrement, un des rôles principaux, justement, de l'ego, c'est d'arriver à être capable de ne plus avoir d'ego. Donc, l'ego devra arriver un jour où il n'aura plus d'ego. C'est-à-dire que l'ego, présentement, qu'est-ce que c'est l'ego? Disons que dans la psychologie de l'homme, la forme la plus évidente de l'expression de l'ego, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le plus grand des freins, disons, donné à l'homme, si on pourrait dire par l'homme lui-même, pour l'empêcher de comprendre. Parce que si je te dis que telle chose que tu as faite n'est pas bonne, si tu as trop d'orgueil, tu ne veux rien savoir, et ce que le message qui vient de passer, tu ne le prendras jamais. Donc, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas t'améliorer, et tu ne peux pas comprendre. Tu vas chez un psychologue, j'ai des problèmes. Le psychologue te dit, bon, les problèmes, tu les as, mais c'est parce que tu les veux. Change de psychologue. Bon, tu es trop orgueilleux. Alors, ce qui fait que tu ne peux pas arriver à soulager ou à régler quoi que ce soit tant que ton ego est dans un schéma d'expression, comme l'orgueil, tellement puissant que tout l'extérieur, qui ne fit pas avec la psychologie de l'ego, c'est-à-dire qui ne va pas avec les concepts de l'ego, moi, je suis beau. Alors, si on me dit que je suis beau, ben c'est la personne qui me dit que je suis beau, ben c'est une personne qui est correcte. Je l'aime bien. C'est une bonne personne, c'est un bon gars ou c'est une bonne femme. Un autre qui me dit que je suis pas correct, c'est un gars qui est stupide. Il n'y a rien à faire avec lui. Moi, du monde de même, je ne me tiens pas à ça. Bon. Alors, ce qui fait que, automatiquement, justement, l'ego ferme les portes à tout l'extérieur. Et ce n'est pas le rôle de l'ego. L'ego planétaire, qu'est-ce que c'est? Excuse, Daniel. Tu dis que l'ego ferme les portes, toutes les portes à l'extérieur. Mais est-ce qu'elle ne ferme pas aussi les portes à l'intérieur? Oui. Mais par rapport à l'ego, ton intérieur, c'est aussi l'extérieur de l'ego. Alors, l'ego, c'est la densification de la mémoire. T'as une mémoire volatile qu'on appelle l'âme qui se promène autour de l'ego. Et t'as une enveloppe de l'âme qui peut aussi s'appeler périsprit. Et l'ego ferme ses portes à l'extérieur de l'ego, donc à l'intérieur de l'être. Mais l'ego, il n'y arrive même pas à se situer. Il ne peut pas se situer, l'ego. Parce que l'ego, à un moment donné, il pense qu'il est le corps. Hein? À un moment donné, il pense que c'est la vie. Quand t'es fatigué ou en train de mourir, t'as peur de mourir. À un moment donné, il pense que c'est telle conception psychologique. Tout d'un coup, l'ego devient un sage. Il est sage jusqu'à temps que tu lui dises qu'il n'est pas sage. Puis il se met en colère, puis il te bûche dedans. Bon, alors il est plus sage, là. Alors ton ego, le rôle de l'ego, ce n'est pas, justement, d'empêcher l'homme. D'empêcher, mais c'est quoi l'homme? Mais l'homme, c'est une expression de l'énergie au niveau de la matière. Une expression de l'énergie au niveau de la vie qui va animer cette matière-là. Une expression de l'énergie au niveau des mémoires. Donc, au niveau de l'ego. Mais ces mémoires-là, cette expression-là, s'est identifiée à elle. Et c'était correct, mais elle s'est tellement identifiée qu'elle croit être le centre de tout son schéma d'univers. C'est-à-dire que l'homme qui a conscience d'être vivant n'a conscience que de son ego. Et l'ego pense à être tout. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ben, l'ego va pouvoir détruire le corps. Hein? Si ça paraît bien de fumer ou de te droguer, ben, tu fumes et tu drogues. Tu fumes et tu drogues. Le corps est détruit, mais l'ego s'en fout. Parce que ça n'atteint pas l'ego. Donc, l'ego se croit le corps, l'ego se croit l'expression qu'il donne par rapport aux autres, et pour l'ego, qui s'identifie à lui, c'est extrêmement important, parce que l'ego, C'est ce qu'il y a de plus peureux dans l'homme, parce que la peur naît dans l'ego. Et la première forme, qu'est-ce que c'est que la peur dans l'ego? C'est quand l'ego doute. Quand l'ego n'est pas sûr que l'identification qu'il a de lui-même est exacte. Quand l'ego n'est pas sûr que les bases sur lesquelles il se pose pour pouvoir s'identifier à lui, ça c'est inexact. Quand l'ego n'est pas sûr de ça, l'ego a peur. Alors, ce qui fait que si tu arrives avec ta cigarette, puis tu fais ton grand off, puis que moi je te pile ses pieds, puis que je pars à rire, ou que je t'insulte de n'importe quelle manière, les bases qui te permettaient d'être sûr que tu étais un tof sont ébranlées et tu n'aimes pas ça. Et automatiquement, tu dois prouver, pas à l'autre, tu le prouves à l'autre, mais c'est à toi que tu le prouves, que tu es un tof. Alors, si tu es un batailleur de rue, tu te bats tout le temps. Si tu es un homme d'affaires, tu dois avoir une valise, tu dois en tout cas faire homme d'affaires. Si quelqu'un a l'impression que tu n'es pas un homme d'affaires, ça te touche. Pourquoi? Parce que tu es dans ton ego rentre dans une phase de doute. Et dans cette phase de doute-là, automatiquement, l'ego se sent désagrégé. Et c'est pour ça que le doute, c'est à peu près la meilleure arme que les intelligences ont présentement pour détruire, c'est-à-dire pour pouvoir fouetter l'ego, pour que l'ego arrive à un moment donné à pouvoir découvrir l'extérieur sans avoir peur de le découvrir, c'est-à-dire que l'ego ne s'identifiera plus à lui. L'ego, je suis le corps. L'ego, je suis la vie. L'ego, je suis l'émotivité. L'ego, je suis la réflexion. L'ego, je suis même Dieu. Parce que l'homme est Dieu. Mais l'homme, c'est quoi Dieu dans l'homme? Cherchez-le. Même la personne qui est en train de mourir d'une maladie, d'un cancer du poumon, croit encore qu'il est Dieu. Alors l'ego se prend réellement pour tout. Et ce qui fait que l'ego se prenant pour tout, l'ego essaie donc de diriger le tout à la façon de l'ego. Et ce n'est toujours pas le rôle de l'ego. Mais tout ça, ça se fait inconsciemment. Jusqu'au temps que la conscientisation arrive. Le seul moment que ça devient conscient pour un individu normal, c'est quand il se sent frappé, quand son orgueil en mange un coup. Et là, l'individu se rend compte qu'il ne dirige pas comme il faut. L'homme d'affaires qui fait faillite, son orgueil en mange une claque. Bon, la personne qui est le meilleur chauffeur du monde, qui coupe tout le monde, qui roule vite, mais elle chauffe bien, les autres chauffent mal, mais quand elle a un accident ou qu'elle a une grosse contravention, son orgueil en mange une claque. Mais là automatiquement, l'ego se rend compte qu'il n'est pas ce qu'il croit être. Il mène pas le monde. Mais ça lui fait mal. Alors, il va astiner le policier, ou encore, ça va être quand même la faute de l'autre. L'autre, il avait un qui a arrêté sa verte pour lui laisser passer sa rouge, qui n'a pas eu d'accident. Bon, tu sais. Alors, tu as toujours des raisons, et ça, c'est l'apanage de l'ego, d'essayer continuellement de se prouver qu'il a raison, donc de solidifier les bases illusoires sur lesquelles il se place pour ne pas avoir peur. Parce que l'ego, c'est ce qui est le plus pissou. Même le gars qui se croit le plus courageux du monde, les années, il a tenu dans la rue puis il est plus courageux pantoute. Okay? L'ego en mange une claque, il n'y a plus rien qui tient dans l'individu, il n'y a plus rien pantoute. Mais ce n'est pas le rôle de l'ego. Mais n'empêche que l'ego essaie de se donner des rôles comme ça, et ces rôles-là vont amener l'ego à être malade. C'est-à-dire que quand l'ego n'a plus de base sur laquelle s'accrocher, et que l'ego refuse de voir en le corps physique une base, en la vie une base, la vie c'est quoi? C'est une école. Donc, l'ego refuse de voir dans la vie une école, donc une possibilité d'apprendre la réalité et non pas juste de vivre l'illusion. Quand l'ego refuse de voir la parcelle mentale de l'homme qui est autre que la psychologie, la parcelle intellectuelle, quand l'ego refuse de voir ça, mais quand l'ego arrive de désillusion en désillusion, il finit par virer malade, c'est-à-dire que l'ego refuse toujours ça et l'ego se croit malade. Donc, l'ego a peur de l'extérieur, il devient paranoïa. L'ego va essayer de se créer un nouveau monde qu'il va au moins pouvoir contrôler. Il devient psychosé, il devient névrosé. L'ego va essayer de faire différentes choses pour essayer de toujours d'oublier, de fermer les portes à ce qui vient lui enseigner que sa base n'est qu'une illusion, n'est qu'une farce. Et là, l'ego devient fou. On a des problèmes psychiatriques, des tripes religieux, des tripes sectaires, des tripes ésotériques, des tripes d'extraterrestres, de Jésus-Christ, de n'importe quoi. L'ego essaie à un moment donné de jouer un autre rôle parce que la société lui prouve que son rôle est faux. Donc, il essaie de se créer un rôle et dans ce rôle-là, il va fermer toutes les entrées possibles à l'extérieur. Tu veux l'aider? Non, tu es malade, il a peur de toi, il est paranoïaque. Donc, automatiquement, l'ego s'arrange pour être sûr que l'extérieur ne viendra plus jamais troubler son illusoire sécurité, mais qu'il va quand même être détruit à un moment donné et ça va faire encore plus mal. Alors, ce qu'il faut toujours voir, c'est que notre ego, il y a un rôle important à jouer, parce que l'ego a comme rôle. C'est-à-dire que l'ego, qu'est-ce qu'il a à faire? L'homme, dans son schéma vibratoire, a une matière physique, c'est-à-dire une des expressions de l'énergie, on pourrait dire divine, mais disons, c'est une expression, ce n'est pas Dieu, parce que tu as une expression de Dieu. Le nez n'est pas l'homme, la feuille n'est pas l'arbre. Bon, et si la feuille veut gérer l'arbre au complet, mais c'est pas long que la feuille va mourir, parce que la feuille va vouloir que l'arbre soit plein de chlorophylle, il n'y ait plus d'écorce, puis ça, bref, bon. C'est ce que l'ego veut faire à l'homme, et l'homme, ben, le corps physique est malade. Parce que l'homme, c'est pas l'ego, c'est tous les schémas, tous les corps mis ensemble. Ce serait-tu, Daniel, que, en potentiel, l'être est Dieu, en potentiel, mais que l'ego touche à une petite partie de ça, et qu'il se croit l'être avoir atteint... Exactement. C'est sûr qu'en potentiel, l'homme est tout. Mais potentiel ne veut pas dire que tu peux t'asseoir là-dessus et te dire qu'il n'y a plus de problème. Ça, c'est l'ego que ce soit là-dessus. De toute façon, moi, en potentiel, je t'en ai fait santé. Oui, je sais bien, mais là, tu putes la gangrène ses deux bras. C'est beau le potentialiste, mais en potentiel, t'es mort aussi. Puis je pense que ce potentiel-là, il est plus véridique que l'autre potentiel. Hein? Alors, ce qui fait que le potentiel de l'ego... L'ego, as-tu le physique, a ce qu'il faut pour pouvoir se gérer lui-même. La vie aussi. La preuve de ça, les plantes poussent, les oiseaux vivent, puis l'homme a vie aussi. Quelle est la forme d'énergie qui a détruit la vie, en ce sens, qui a exterminé, détruit l'une des expressions de la vie? Bien, il y a eu la vie elle-même, donc la planète Terre, qui a géré ses affaires elle-même pour permettre aux races d'évoluer. Quand les dinosaures ont été tués par différentes raisons, prenons par exemple l'exemple de l'iguanodon, qui était un dinosaure, bien, quand l'iguanodon est disparu, bien, il y a eu des descendants qui ont été permis par la vie pour donner l'iguane aujourd'hui qui vaut Galapagos. Bon, c'est un exemple. Il y a plusieurs autres exemples. Mais quand la vie s'est chargée d'éliminer des concepts, des expressions de la vie inadéquates, elle l'a permis la transformation. Mais quand l'ego de l'homme s'est cru la vie, quand il a exterminé des races d'animaux complètes sur la Terre, hein, ben lui, il n'a pas permis l'évolution de la race en une autre forme. Quand l'intelligence mentale de l'homme est devenue suffisante pour pouvoir empêcher l'ego de finaliser des destructions, comme par exemple dans les bisons qu'on avait ici, ben, l'homme qui détruisait les bisons n'a pas permis aux bisons de se transformer pour finir par avoir une peau qui résisterait aux balles de fusil. Donc, pour survivre au changement de la vie qui avait été obligée par l'ego de l'homme, quand la planète Terre bouge, donc quand l'époque glaciaire commence, quand la vie change de quoi, elle permet toujours à la race, elle permet au plus fort de pouvoir survivre. Et ça, c'est une manière normale de permettre une évolution dans la race pour obliger la race à évoluer en force, donc en suprématie. Parce que l'homme a eu des maux du problème, c'est pour ça que l'homme est rendu qu'une technologie comme la nôtre. Mais là, cette technologie-là, qui maintenant n'est gérée que par l'ego, l'homme risque d'avoir d'autres maux du problème. Mais là, c'est pas la vie qui va les amener à l'homme. Fait que l'homme, si c'est lui qui se les amène, ne pourra pas nécessairement se permettre d'y échapper. Mais la vie, normalement, l'aurait permis. Alors, notre ego, il prend la place de la matière, il ne laisse plus la matière se gérer, il prend la place de la vie dans sa vie et dans la vie de l'extérieur, et il ne laisse plus la vie gérer. Et il est l'ego, il prend trop d'ampleur, il prend même la place du mental, il va même prendre la place de l'énergie du supramental qui présentement, disons, et il couvre l'échelle de la planète. Alors, ce qui fait que c'est exactement comme tu dis, tu as plusieurs expressions d'une même forme d'énergie, et tu en as une ici qui prend toute la place de l'habitacle. Donc, il ne peut pas y avoir la santé parce qu'il y a trop d'ego pour permettre à l'énergie vitale de type tellurique ou solaire, yin ou yang, de pouvoir habiter l'homme parce que la place est prise par une densité trop forte de mémoire, donc par l'ego humain. L'homme qui a trop d'ego ne peut pas arriver à apprendre des choses parce que le mental n'a pas de place. Il n'y a de la place que pour la vibration de l'ego, donc de l'orgueil. Alors, ce qui fait que l'individu, ce qui est trop égocentrique, donc qui a trop d'ego et trop d'orgueil, se ferme les portes à la santé, à la facilité, à l'évolution, à la compréhension, à la liberté, à tout ce que finalement l'ego recherche. Mais l'ego veut une santé parfaite, fait qu'il va s'en occuper, lui. Puis le corps là-dedans, le corps n'a rien à dire. Si le corps est malade, c'est sa faute. C'est quand même pas à faute de l'ego. Ça va quoi? L'ego est parfait. Alors, ce qui fait qu'on en est arrivé, et dans le schéma de l'évolution de l'ego, l'ego, qu'est-ce qu'il a à faire? Ben, l'ego, c'est simplement son rôle, est de ramasser le plus de mémoire possible, donc d'expérience, pour pouvoir arriver à avoir en masse d'informations pour pouvoir permettre la naissance d'un corps mental, donc de l'intellect, disons, qui est le mental à sa naissance. Et ce mental-là va avoir en masse d'informations à l'échelle de la matière planétaire ou de la psychologie planétaire pour pouvoir gérer logiquement le vécu de l'homme, et quand je parle de l'homme, je parle non pas de sa psychologie, je parle du corps physique, vital, psychologique et mental. Et l'ego a un rôle donc très important en ce sens-là, qu'il doit permettre l'agglomération de plus d'expériences possibles. Mais l'ego, c'est identifié, et c'est une phase normale de l'évolution, l'ego s'identifie quand l'ego arrive à un point, disons, où l'oisillon va s'identifier, non pas quand il casse l'œuf, mais le moindre moment que l'oisillon commence à promener ses ailes un peu, il finit par s'identifier un oiseau. Avant ça, il ne savait même pas qu'il existait. Et quand il est devenu un oiseau, alors là, il est l'oiseau. Il est identifié. Mais si l'identification de l'oiseau devient trop grande, cet oiseau-là va refuser de procréer avec un autre, parce qu'il est l'oiseau par excellence. Puis à un moment donné, ben, il meurt. Puis c'est rien passé. Bon, ben, dans l'ego de l'homme, ce qui est arrivé, l'ego a eu sa naissance, il a eu sa phase d'identification qui lui a permis de pouvoir se bâtir un mental, c'est-à-dire que l'ego, ayant la possibilité de s'identifier à lui-même, a donc eu des désirs, a donc eu des souffrances, a donc eu des plaisirs, des recherches et des peurs. Et ça, c'était normal. C'était le rôle de l'ego de devoir passer par là. Et en passant par là, automatiquement, pour ne pas souffrir, l'ego a cherché des moyens pour ne plus souffrir. Donc, il a essayé de se servir de son expérience. Toi, fois que tu allumes du feu, brûle. Alors, ne voulant plus brûler, quand j'allume le feu, j'essaie de constater. Et ça, c'est le début du développement du corps mental, donc d'une énergie qui commence à coordonner les expériences d'une façon logique. Le feu, ça réchauffe, je suis bien quand j'ai chaud. Fait que ça fait 3000 fois que tu brûles, mais tu ne coordonnes pas logiquement tout ce qu'il y a, c'est frais. Fait que tu pars en courant, tu allumes ton feu, tu te brûles encore, mais c'est pas grave, au moins tu as chaud après. T'as même très chaud, c'est brûlé. Bon. Mais quand ton mental peut coordonner, ton ego ne peut pas coordonner. Par contre, l'ego va lentement permettre à une nouvelle parcelle de lui, qui est l'intellect, de pouvoir coordonner l'allumage du feu. Maintenant, efface-toi, laisse-moi triper. Et là, l'ego, il est bien. Alors donc, l'ego avait comme rôle la création du corps mental pour permettre à une énergie supramentale, donc de même ordre que le mental, mais d'une conscience supérieure, une conscience galactique, donc comme le Nazaréen appelle ça l'Esprit Saint, ce qui est ça aussi, tu es saint d'esprit, et l'esprit vient justement de l'énergie supramentale. Alors ce qui va arriver, c'est que ton ego, qu'est-ce qu'il a comme rôle à jouer? Ce n'est pas de dominer, de se prendre pour Dieu, de etc. L'ego n'avait comme rôle, l'ego est apparu sur la Terre et a été permis sur la planète Terre pour justement élever les vibrations du corps physique et vital, c'est-à-dire agglomérer une nouvelle forme de vibration qui pouvait être en harmonie avec le corps vital, donc être en contact avec le corps vital, donc être en contact avec l'homme, avec ce qui vivait comme homme. Alors, ce qui fait qu'un animal ne peut pas réfléchir parce que l'animal n'a pas d'ego. L'animal n'a pas d'ego comme l'homme. L'animal a un peu d'expérience, il a quelques mémoires. Mais pas plus. Par contre, si l'animal réussirait à accumuler suffisamment de mémoire qu'il peut se servir, et c'est important, pour pouvoir s'identifier à une forme d'expérience quelconque, donc il s'identifierait à un loup qui peut diriger une meute, qui veut diriger une meute, ce qui n'est pas le cas, à un éléphant qui veut diriger un troupeau et qui veut trouver des pâturages meilleurs parce qu'il aime ça, ce qui n'est pas le cas. Ils vont au hasard et par l'instinct, et l'instinct c'est quoi? C'est la vie qui s'occupe justement d'éliminer les faibles et de conserver les forts. Bon, mais les animaux n'ont pas d'ego. Mais si l'ego est permis dans l'animal, l'animal va acquérir de l'expérience, il va l'enseigner à ses enfants, donc à ses louveteaux, disons, ou à ses éléphantaux, ou à ses veaux, et lentement, l'enseignement va être transmis et ça devient de l'expérience, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'expérience planétaire, c'est-à-dire que l'individu a l'expérience de tous ses ancêtres, donc il est maintenant manipulé par l'astral, donc par la tradition de la tribu, de la meute, hein, ou encore par la tradition qui peut être de type religieuse, politique. Alors, quand l'animal, disons, arrive à avoir un ego suffisant pour pouvoir avoir plaisir, il a donc maintenant la capacité de faire en sorte que ce désir-là arrive. Parce qu'il va être capable de voir quand un désir qu'il a n'arrive pas et quand un désir qu'il a arrive. Ce qui fait qu'il ne souffrira pas à la faim comme un animal qui n'a pas mangé depuis trois jours et qui ne pense qu'à manger, mais il va souffrir la faim maintenant de manière psychologique comme étant une lacune. Donc, il va observer, parce qu'il a un ego, il a donc une accumulation d'expérience, qu'il peut se servir, ce que ceux qui n'ont pas d'ego ne peuvent faire. Et ce pouvant justement se servir de l'expérience, il va donc trouver des méthodes, observer les endroits où vivent les animaux qu'il a besoin comme nourriture, faire rappeler d'où sont les lacs, c'est-à-dire qu'il va être capable maintenant de s'éloigner plus parce qu'il va revenir avec des indices. Il ne sera pas nécessairement limité à une région particulière et il ne sera pas obligé de la quitter seulement par période de sécheresse, comme les éléphants font, par période de famine. Donc, ils sont obligés dans ce temps-là. Alors, l'animal qui a l'ego est donc capable d'avoir un désir, de prendre conscience du désir, donc de s'identifier et de faire en sorte d'assouvir le désir. Donc, il va être capable d'essayer de placer son expérience dans un ordre logique. Donc, il va automatiquement y avoir naissance de l'intellect. Et c'est ce qui différencie l'homme de toutes les races sur la Terre, sauf les polars. Bon. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, l'animal qui a un ego peut donc créer un intellect. Donc, il peut gérer sa vie, réfléchir sa vie et éliminer les contraintes matérielles pour lui permettre, donc, en éliminant les contraintes matérielles, d'augmenter la possibilité de son intellect, donc d'augmenter la rapidité de la croissance du corps mental. Donc, à un moment donné, cet animal-là, qui aura maintenant un ego, qui aura donc toute une psychologie, et évidemment qui aura souffert parce qu'il n'a pas eu ses désirs, qui aurait été heureux, cet animal-là aura un mental et pourra un jour entrer en contact avec l'Esprit Saint, donc avec l'énergie supramentale, disons, plus loin avec Dieu. Et l'homme a un ego, justement, pour ça. Pour permettre à l'énergie mentale d'apparaître chez l'homme et par après d'entrer en contact avec des énergies supérieures. Mais le problème de l'homme, c'est que l'ego planétaire était tellement puissant suite à des choses qui sont arrivées avant même que l'homme ait un ego. Et l'homme a un ego tellement puissant qu'il, cet ego-là, croit être tout l'homme au complet et l'ego s'identifie à l'homme. Et une douleur au niveau de l'orgueil fait souvent plus mal qu'une douleur physique. Et la douleur physique va faire d'autant plus mal que l'orgueil est touché, en plus du physique. Alors, ce qui fait que l'orgueil, qui est une expression de l'ego, c'est ça l'orgueil, c'est avec l'ego qui s'exprime. Ben oui, c'est la plus importante. Et cet orgueil-là, ben c'est le problème de l'homme. Disons, c'est la merde de l'homme. Ben, il y a d'autres points, mais c'est une. Parmi les différents modes d'expression, Daniel, des modes secondaires, disons, il y a la jalousie, les préjugés. C'est tout l'orgueil. Ça vient tout, ça découle tout de l'orgueil. Mais donc, c'est l'orgueil. Si tu divises l'orgueil en plusieurs choses, ça, c'est l'ego qui a divisé l'orgueil en plusieurs choses. Parce que l'ego s'est dit, telle chose, c'est une qualité. Puis telle chose, disons, c'est un défaut. Fait que, moi, je suis séraphin, mais c'est une qualité. Bon. Puis, je crie des fois, c'est un défaut. Moi. Alors, ça, c'est une qualité, ça. Le monde qui dit que j'aime rien, tu sais, qu'on connaît pas, ça, c'est des défauts. Fait que l'orgueil est capable d'inventer des qualités, de créer une morale pour permettre à l'orgueil de pouvoir accepter la transformation qui lui est demandée par le mental, mais quand même rester orgueilleux. Tu sais, moi, je suis humble. Je le dis souvent, je suis modeste puis je m'en vante. Bon. Alors, moi, je suis humble, puis t'es pas humble. Bon. Alors, ça, c'est simplement ton orgueil encore. Puis toutes les facettes, toutes justement les défauts qui me parlent là, ou ces expressions-là, ne sont que l'orgueil, mais divisé par l'ego pour, justement, ne pas obliger l'ego à prendre conscience tout d'un coup qu'il est une farce, qu'il est une illusion. Oui, parce que si on regarde tous les freins de l'homme dans la conscientisation, la gêne, jalousie, préjugé, bigoterie, nomme-les, tout ce qui est frein part de l'ego. C'est juste des expressions de l'orgueil. C'est ça. Puis l'orgueil, ben, à un moment donné, il va falloir que l'orgueil soit brisé. Et quand on dit que l'ego n'aura plus d'ego, c'est-à-dire que l'ego ne s'exprimera plus sous forme de l'orgueil. L'ego va s'exprimer par l'intermédiaire du mental qui va se servir, lui, des mémoires de façon intelligente pour l'exprimer. Mais l'ego n'essaiera plus de s'exprimer, lui. C'est important. Parce que l'ego, la seule forme d'expression que l'ego peut avoir, c'est l'orgueil. Daniel, ce serait pas parce que quand l'ego est fort, l'homme est inconscient. Ça se fait inconsciemment. Automatiquement. Mais aussitôt qu'il prend conscience que, premièrement, l'ego, le mot, existe, pour commencer, et puis qu'il commence à regarder puis à s'apercevoir que toutes les différentes facettes de l'ego, donc habituellement, il y en a qui n'ont plus d'emprise sur lui que d'autres, à ce moment-là, en prenant conscience, automatiquement, il y a un pas de fait. Mais là commence la souffrance, par exemple. Automatiquement. Maintenant, si on le regarde sur un autre côté, si, par exemple, on prend des paroles de plusieurs qui nous ont précédés dans le domaine ésotérique, on dit que l'être, le corps physique, est le véhicule de l'esprit et que l'esprit doit passer par l'ego pour se manifester à travers la personnalité et la manifestation la plus importante est la parole. Comment peut-on voir que l'esprit, justement, traverse l'ego, imprègne cet ego? Par la personnalité. C'est quoi une personnalité égoïque? Quels sont les individus présentement qui ont une personnalité? C'est-à-dire qui sont personnalisés. Quels sont ces individus-là? Si tu regardes, par exemple, je vais donner un exemple au niveau de notre jeunesse. Notre jeunesse, elle a l'impression qu'elle a une personnalité. Hein? Ils ont les cheveux en clous, ben non, mauve. Des manteaux qui vont jusqu'aux genoux, ou non, des grosses bottes qui montent jusqu'en haut. Non, je mettais ça, moi, quand j'allais à la pêche, tu sais. Donc, je mettais ça pour aller à la messe. Bon. Ils ont une personnalité. Ils ont l'impression que. Mais ils sont à l'affût de la mode, hein, parce que c'est plus à mode, même si ça coûtait 75$, deux semaines après, c'est plus à mode, c'est plus beau. Bon. C'est beau, c'est à mode. Leur personnalité, où elle est? Ben, justement, ces individus-là, présentement, ne sont pas personnalisés. C'est-à-dire que leur personnalité est une personnalité de masse. Ce qui veut dire que l'ego de la masse, c'est les domine, c'est ces enfants-là sont l'expression de l'ego de la masse, donc d'un astral non planétaire, du moins national ou de la région, ce qu'ils sont. Alors, ce qui fait que toi, quand tu veux savoir si l'énergie réellement s'exprime par l'homme ou par la femme, ben est-ce que ton ego est personnalisé? Donc, est-ce que tu exprimes ce que les autres demandent, alors ce n'est pas personnalisé. Est-ce que tu exprimes, ta vie est gérée dans la psychologie, pas dans la matière? Dans la matière, c'est évident, si tu travailles à telle heure, à telle place, tu y vas. Mais est-ce qu'il faut absolument que tu arrives toujours à l'heure, quitte à chauffer en fou, parce que ça ne se fait pas d'arriver en retard, ou qu'est-ce que les autres vont penser, j'arrive en retard, ou tu as peur du patron, ou etc. Bien, si tu agis comme ça, ton ego n'est pas personnalisé. Il est un ego de masse. Alors, qui fait que quand l'énergie intelligente s'exprime par l'ego, comme je le disais tout à l'heure, c'est le mental qui va, l'ego va s'exprimer par le mental, ce qui revient au même que de dire que par l'ego, l'énergie s'exprime. Tu en seras personnalisé, et étant personnalisé dans ton ego, donc dans ton astral, parce qu'il y a une personnalisation mentale qui va se faire après, mais dans une présentement, l'individu a une identification de son astral, il sait qu'il a des émotions, il sait qu'il souffre, il sait qu'il est curieux de souffrir, il sait qu'il veut gagner à la loterie, il sait plein des choses dans le genre, il est identifié. Mais par contre, tout le monde veut gagner à la loterie, lui avec, il n'est pas personnalisé. Tout ce que l'individu va faire, puis parce que l'individu n'est pas personnalisé, la publicité est encore possible. Bon. En d'autres mots, c'est dire que faut pas que la personnalité de l'individu soit influencée de l'extérieur. Absolument pas. Donc, il est personnalisé. Il a lui-même un réel schéma de ce qu'il veut faire, et la seule influence qu'il a, c'est une influence de l'intérieur qui lui est permise par le mental ou par l'énergie supramentale, ce qui fait que, comme tu me disais tout à l'heure, cette énergie-là, donc, s'exprimerait par l'ego. Mais en réalité, c'est l'ego qui s'exprime par le mental ou par l'énergie supramentale. Alors, ce qui fait que, automatiquement, ben, tu fais des choses comme elles ont besoin d'être et tu n'es pas sujet à devoir pleurer parce que tout le monde pleure, à devoir rire parce que tout le monde rit, à devoir applaudir parce que la salle applaudit, hein? C'est une personnalisation, ça. Toi, tu trouves ça bon, mais t'as pas le goût d'applaudir. Tout le monde applaudit, t'applaudis avec. Ben, cherche pas la personnalisation là. Tu vois une identité et une personnalisation de masse. Et ce n'est toujours pas l'énergie supérieure qui s'exprime par l'ego. Le Nazaréen, quand il se promenait, ben, avait une personnalisation. S'il n'aurait pas eu de personnalisation, ben, il aurait été comme la masse. Parce qu'à cette époque-là, la masse arrangeait un crime pour qu'un gars devienne normal. Hein? Alors, ce qui fait qu'ayant une personnalisation et astrale, donc au niveau de l'ego et mental, évidemment, ben, il s'exprimait à sa manière et les autres le suivaient. Pourquoi? Parce que les autres n'étaient pas personnalisés. Et là, la foi peut embarquer, comme la publicité. Ici, Daniel, dans les explications que tu as données au titre « Le rôle de l'ego », qui est la conférence d'aujourd'hui, il y a ceci que je vais te poser comme question, parce que tu l'as noté ici. Quel danger représente-t-il pour l'être en conscientisation? Bon, l'ego représente, pour n'importe quel être, la pire des cochonneries. Parce que c'est l'ego qui va l'obliger à souffrir. Parce que l'ego est une forme d'expression Et ça, c'est important, l'ego doit s'exprimer. Que tu sois heureux ou malheureux, l'ego s'exprime. Alors, ce qui fait que si je te dis que t'es laid, automatiquement, l'ego souffre. Tu souffres. Donc, l'ego t'oblige à souffrir. Parce qu'elle s'exprime. Et l'être en conscientisation, le maudit problème de l'être en conscientisation par rapport à l'ego, c'est simplement que tout ce que l'homme apprend, l'ego s'en empare, et l'ego s'en emparant, s'empare aussi de la compréhension laissée en mémoire. Donc, l'ego croit comprendre, et quand l'ego arrive à comprendre suffisamment, l'ego dit, c'est parfait, j'ai plus besoin de personne, j'ai plus besoin de rien, je comprends tout, je suis libre, puis il n'y a plus de problème, puis tout va bien. Il y en a plein qui se jettent devant le métro qui sont conscientisés comme ça. Alors, ce qui fait que le pire des problèmes, c'est que la conscientisation qui se fait au niveau de l'intellect, donc, qui l'ego peut s'en emparer, et qui ne se fait pas au niveau de l'orgueil, donc au niveau de l'ego, c'est un danger. À un moment donné, l'ego va apprendre, mais il va souffrir encore bien plus. C'est pour ça que ceux qui sont sur un chemin de conscientisation et qui ne sont pas conscients, le mental n'est pas conscient du travail de l'ego, donc des tentatives de l'ego que l'ego justement va essayer de faire pour pouvoir s'identifier de plus en plus. Maintenant, je comprends tout. Fait que maintenant, je suis arrivé à la fin de mon cheminement. Plus de problème. J'ai plus besoin de lire. J'ai plus besoin de travailler. J'ai tout va me tomber dans la face. Ben, il y en a plein qui font rien, qui sont en dessous du pont Champlain puis qui sont aussi conscients que toi. Tout le tombe dans la face. En dessous du pont Jean-Cartier, c'est plus vrai parce qu'il y a des morceaux de béton qui tombent en plus. Ça tombe dans la face, hein? Mais l'ego, le problème qu'il a, justement, l'individu qui se conscientise, c'est que l'ego s'identifie toujours à lui, se croit le mental, et l'ego croit que c'est lui qui est en contact avec l'énergie supramentale. L'ego ne peut entrer en contact qu'avec une mémoire dans l'astral spirituel de l'énergie supramentale. Oui, et c'est très facile d'entrer de se faire prendre dans ce jeu-là, je pense, parce que surtout lorsqu'on suit des conférences, par exemple, ou qu'on va faire des lectures intenses, parce qu'on augmente notre taux vibratoire qui nous permet une certaine compréhension de ce qui se passe, et puis, lorsqu'on décide ces choses-là, 2-3 jours après, on n'a plus le même taux vibratoire, et puis là, on prend toute une débâcle. Parce que l'orgueil, c'est quoi? Qu'est-ce qui va limiter un individu dans son apprentissage? L'orgueil. Tu vas, par exemple, voir un psychologue. Tu vas voir ton patron. Ton patron fait juste te dire que tu pues un matin. Tu pues tout le temps. À un moment donné, peut-être que ce serait bon que tu te laves un peu. Ben, c'est intelligent pour ton corps physique, premièrement. Pour ton corps vital, deuxièmement, puis ton orgueil, qu'est-ce qu'il va faire? Tu lâches la job 2 jours après parce que tu t'as demandé de te couper les cheveux. Puis il y en a bien qui font ça. C'est quoi l'orgueil? Où est-ce qu'elle peut bloquer l'orgueil chez un être humain? Qui c'est ici qui n'a pas d'orgueil? C'est qui ici qu'on peut pointer puis lui dire qu'il n'a pas d'orgueil ou qu'il en a de l'orgueil qui ne réagira pas? C'est quelqu'un qui peut se lever pour montrer qu'il n'y a pas d'orgueil. Mais regardez juste ce qui peut se passer en vous pour l'instant, immédiatement. Vous allez voir des traces d'orgueil. Puis cet orgueil-là, si je fais juste me laisser aller un petit peu, puis que je parle à certaines personnes en pleine face, il y a des chances pour qu'ils ne viennent même plus ici. Mais l'orgueil, c'est ça qui fait l'orgueil. Il s'arrange simplement pour laisser l'astral s'exprimer. Puis quand l'astral s'exprime d'une bonne manière, le mental ne travaille plus, il n'y a plus le temps. Puis automatiquement, ben, l'individu n'arrive pas à comprendre, puis ce n'est que l'ego qui continue de s'exprimer. Parce que t'en as de l'orgueil, toi. Toi aussi, t'en as de l'orgueil. Puis il y en a plein ici qui n'ont de l'orgueil. Puis j'en vois souvent, c'est facile à voir quand tu vois un peu le roi du monde, ceux qui ont de l'orgueil. C'est pas un péché d'avoir de l'orgueil. C'est une chose normale d'avoir de l'orgueil. Mais ce qui serait naturel, c'est d'en prendre conscience qu'on a de l'orgueil. Et ce fichu orgueil-là, donc, ce maudite expression-là de l'ego, ben le mental peut finir par le contrôler. Puis automatiquement, l'individu souffre moins. Parce que c'est tout simplement que toi, tu n'as de l'orgueil en maudit, puis toi là-bas avec, puis les cheveux aussi, ben, ceux qui rient, c'est du monde soulagé, c'est de l'orgueil soulagé. Hein? C'est ça aussi, l'orgueil. Bon, ben, si on regarde ça, on s'en fout que tu sois habillé en rouge ou que tu aies les cheveux longs ou n'importe quoi. Ça n'a aucune importance. Les bisons, quand ils se promenaient d'imprimerie, d'imprairie, qui se faisaient tout abattre, il y en a qui avaient des gros bouts de poils au bout des queues. Il y en a qui avaient des grosses cimières, il y en a qui n'en avaient pas pantoute. Ils mangeaient le même herbe, ils se frottaient l'un contre l'autre, puis ils se faisaient assassiner de la même manière. Hein? L'orgueil, il n'y en avait pas. Ça permettait à ces troupeaux-là de ne pas s'entretuer. Hein? C'est bien important. Parce que regardez, même les pires animaux dans la même race, c'est très rare qu'ils vont s'entretuer en se battant. Regardez pas chez l'homme. Parce que pour même rien, on s'entretue. Alors, qui c'est qui n'a pas d'orgueil? Ben, l'orgueil, c'est le pire des freins. Puis pour rien que chez ceux qui se conscientisent. Chez ceux qui se conscientisent, c'est dangereux. Chez ceux qui se conscientisent pas, c'est leur problème. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à rien comprendre. C'est quoi mon gros problème? T'es orgueilleux. Paf, elle s'en va. Tu ne peux rien savoir de la personne. Elle dit, afin de te prouver que t'as raison, ça va dire tout le monde que t'es un fou. Mais t'as raison en crime. On a fait passer des questionnaires à des individus pour un certain cours. Ben, les individus qui avaient trop d'orgueil ont été relégués dans un cours assez bas. Puis ont tous cancellé leur inscription au cours. Parce que c'était bien trop bas pour eux autres. Mais c'est ça. Ils ont juste prouvé que notre questionnaire était fameux. Ils ont trop d'orgueil, puis ils l'ont prouvé. On avait raison. L'orgueil, c'est la pire des inventions, disons, de l'ego, hein, son expression. Puis c'est une affaire, ça, il faut bien en prendre conscience. Quand on se sent touché, puis parce qu'on se sent touché, on réagit, ben on est sans dessein, on est humain, on est stupide. Parce que si c'est un phénomène de l'orgueil qui nous oblige à ne plus aller dans tel cinéma, à ne plus prendre tel auto, à plus voyager avec un tel, à plus téléphoner beau bel moment ou beau papa ou ben non un tel ou un tel, à ne plus aller quelque part, à parce que notre ami là le plaît pas, patati patata, mais pensez-y en crime, vous êtes manipulé de A à Z par vous-même. Parce que la salle planétaire manipule l'homme. Parce que dans l'homme, il y a tout ce qu'il faut pour être manipulé. Et l'orgueil, c'est la pire des manipulations. Parce que si je te dis que t'es laid comme j'ai jamais vu, j'ai une photo de cochon dans ma grange qui te ressemble, ben tu reviendras plus jamais ici. Mais c'est moi, l'extérieur, qui détermine comment tu vas te sentir et qui détermine ce que tu vas faire. Parce que tu reviens plus ici parce que moi, je t'ai parlé. C'est qui le boss? Pas toi. Oh, il ne niaisera pas de même, moi, j'y vais plus. Ben, il te niaise en maudit parce que tu reviens plus parce que lui t'a parlé. Et c'est ton orgueil qui te laisse accrocher. Et ce maudit orgueil-là, fait que ta job, tu l'aimes plus. Fait que des patients où il y a des individus que tu veux plus voir. Fait que t'as peur de rencontrer d'autres individus. Mais ben, cet orgueil-là, c'est pas grave. Tu te suicides pas parce que de l'orgueil. C'est une autre expression de l'orgueil. Non, mais si t'en es conscient, ben, cet orgueil-là, tu peux commencer à le travailler. Tu peux commencer à le changer. Puis lentement, ben, tu vas moins souffrir. Puis vachement moins souffrir. Parce que la pire des souffrances chez l'homme, c'est les aiguilles qui rentrent. Quand je te dis que t'es pas beau, quand je te dis que tu pues, quand je te dis bien des choses, c'est les aiguilles qui rentrent, qui te font mal, c'est que tu te sens mal. Pourquoi que quand tu passes faim, conduire sur la route, puis quelqu'un te coupe, puis tu te sens mal, tu grimpes un peu, tu te demandes si tu cours après ou non. Ben, c'est l'orgueil encore qui essaie de s'exprimer. Mais regardez juste ce qui passe dans le body, dans le corps de l'homme pendant ce temps-là. C'est qui manipule quoi? Pas l'homme. L'homme, il est même pas là. Vous n'avez même pas besoin d'être là si vous avez un orgueil. Vous n'avez même pas besoin d'être intelligent. On peut tous s'occuper de vous manier comme qu'on veut si vous avez de l'orgueil en masse pour ça. Les partis politiques manipulent souvent par l'orgueil. Tu as toujours été nationaliste, orgueilleux. Et si tu es fédéraliste, ben, tu peux pas dire que tu n'es pas fédéraliste. Ça tout le temps fédéralisé fédéraliste. Ben, c'est ça l'orgueil. Mais dans n'importe quelle maudite affaire, vous allez acheter telle affaire à l'épicerie, ça, c'est pour le monde qui savent ce qu'ils veulent. C'est un maudit pied, ça ne fait pas ça. Parce que c'est pas ce que tu veux. C'est évident, t'es un gnouf. Mais l'orgueil joue juste là-dedans. Là, c'est une forme au niveau de la publicité. Je dis ça rien que pour vous relaxer. Parce que l'orgueil, c'est bien plus que ça. Daniel, c'est une bonne intervention. Est-ce que encore ici, la meilleure façon de travailler cet orgueil ne serait pas l'observation du phénomène qui se produit lorsqu'il y a manifestation sous différentes formes, soit la gêne, la jalousie, n'importe quel... C'est sûr que si tu t'observes, tu arrives à éliminer l'orgueil. Mais l'orgueil, tu peux l'éliminer surtout par la mentalisation, c'est-à-dire par l'intellectualisation. Ça, c'est le pire ennemi de l'ego, de l'expression de l'ego, de l'orgueil, c'est quand on comprend ce qui se passe. Si je vous dis qu'un individu s'aveugle lui-même quand il pense pouvoir regarder le soleil... Mais ça, c'est les individus qui se conscientisent et qui pensent qu'ils peuvent avoir plus de connaissances tout d'un coup parce qu'ils sont capables ou parce que, justement, ils s'imaginent qu'ils vont sortir un tel gros livre, vont commencer à lire ça parce que là, ils sont prêts. Ils comprennent rien, c'est pas grave, ils sont prêts. Les individus qui sont capables de faire immensément de choses puis justement, qui capotent, qui paniquent, il y en a plein. Alors, ce qui va arriver, c'est que si tu mentalises ça, l'observation, c'est bon pour des phénomènes émotifs qu'ils ont des formes bénignes de l'expression de l'orgueil. C'est l'orgueil naissant, donc c'est encore douloureux. Mais l'orgueil, le maudit problème de l'orgueil, c'est qu'il vient vite en tabarouette, qu'il vient plus vite que la colère. Parce qu'avant d'être en colère, parce que je t'ai craché sur un soulier, ben l'orgueil va manger la claque. Puis après ça, l'orgueil va déclencher le phénomène de colère, et là, c'est en colère. Ou tu vas être gêné, ou tu vas être n'importe quoi. Mais l'orgueil arrive avant, puis t'es pris de ton orgueil après. Puis tu luttes à l'intérieur, parce que l'orgueil veut s'exprimer, puis il cherche le moyen. Puis l'orgueil, c'est tellement rapide que l'observation, tu n'as pas le temps, c'est déjà orgueilleux. Le phénomène que l'orgueil va vouloir émettre, la colère, la jalousie, la peur, ça, tu peux l'observer pour le canaliser. Ce qui fait que l'orgueil va quand même apparaître parce que tu as de l'orgueil. Mais tu vas canaliser la réaction de l'orgueil dans son expressivité. Là, tu vas l'observer, tu vas la canaliser. Par contre, l'orgueil lui-même, si vous savez c'est quoi l'orgueil, si vous savez quand est-ce que l'orgueil vient vous sauter dans la face, quand est-ce que les petites aiguilles pénètrent, puis il y en a en maudit des aiguilles, puis il y en a en crime. Bien, quand on sait ça, automatiquement, on est capable, là, on s'observe, parce que la mentalisation, c'est-à-dire la connaissance intellectuelle de l'orgueil, a permis d'arrêter puis de placer le mental en état d'observation. Là, il y a observation. Mais tu ne peux pas observer l'orgueil si déjà, mentalement parlant, tu ne sais pas c'est quoi. Si je te dis que tu aurais royalement pu, comme par exemple des individus qui ont des formes de moustache qui sont réellement pas assez modifiés, tu vas dire, ils te pinchent, puis bon, ben. Quand on parle à un individu comme ça, l'individu se sent avisé. Mais on parle de quoi? On parle d'absolument rien. On parle. Il n'est pas là, l'individu, est-ce qu'il se sent attaqué? Non, parce qu'il ne sait pas. Puis parce qu'il sait, il se sent attaqué. Ben, il y a un crime, il y a une liaison maudite. Parce qu'il y a plein de monde qui déteste le poil d'en face. Mais si je lui dis, ça l'insulte, si je dis pas, ça l'insulte pas. Ça le déteste vos hôtels, le gars. Il se passe quoi? Ben, il n'y a rien de plus. Mais parce qu'il sait, ben, il s'imagine qu'il doit réagir et se promener de même. Manipulation extérieure, elle est là. Mais si la personne est consciente qu'il se passe de quoi, ben, au moins, elle peut observer. Puis elle peut facilement dire, je m'en balance de ce qu'il pense. C'est encore une réaction de l'orgueil. Souffre un peu moins. Mais c'est pas juste dans le détachement des expressions des autres. C'est dans le phénomène qui se passe en toi. Tu vois, on fout qui pense ça. C'est toi qui décides ça ou tu réagis encore à ce que je viens de te dire. Ben, c'est moi qui l'ai décidé. Non. Parce que si je t'aurais pas dit ça, tu t'en foutrais pas. Parce que si je sors dehors, ben non, si je te crache dessus ou si je prends la fleur que tu as ta boutonnière, ma boutonnière, tu réagiras peut-être pas pareil. Ben, ton orgueil est toujours là. Même si tu essaies de faire en sorte que t'es pas orgueilleux. Parce que va dire à quelqu'un qui est orgueilleux, l'orgueil en prend une claque. Parce que là, il essaie de se défendre qu'il est pas orgueilleux. Hein? Alors, l'orgueil, c'est un mot du problème, puis il faut s'en rendre compte, il faut le mentaliser pour s'en rendre compte. Il y a des individus, on ne peut pas leur parler. Ils viennent te voir et ont des problèmes. Si tu l'as dit en pleine face, parce que pour régler un problème d'un individu, qu'il soit psychologique ou dans le domaine de la matière, une maladie, le mot du problème de ça, c'est qu'il faut que tu commences à briser son orgueil. Ça veut dire que, faut que tu m'écoutes. Tu veux un conseil, je vais te le donner. Mais je ne serai pas diplomate, je ne passerai pas par 50, 6 000, cela. Tu veux-tu solutionner le problème? Oui. Bon, ben, tu commences à y expliquer ça, puis une demi-heure après, il a sacré son camp, ou bien là, il ne revient plus jamais parce que tu es malade, parce que tu ne comprends rien à son problème. C'est vrai que tu ne comprends rien à son problème. Il ne veut pas se guérir, il veut me broyer. Bon, tu ne comprends rien à son problème. Tu essaies de le guérir, oui. T'sais, l'orgueil, c'est ce qui empêche, c'est pas prendre n'importe quel consultant de régler les problèmes à quelqu'un. C'est ce qui empêche l'individu de voir lui-même ses problèmes. Parce que l'individu refuse de voir ses problèmes, parce qu'en voyant ses problèmes, il voit l'illusoire sécurité qu'il a lui-même de lui-même. Donc, il voit qu'il doit changer. Puis changer, c'est une déformation de mémoire. Donc, ça amène une souffrance. Ça amène un travail. Puis en changeant, t'es pas sûr que ça va aller mieux. Fait que t'es mieux rester dans un malheur sécurisant, dans un malheur connu, que de risquer un bonheur inconnu. Puis c'est ça qui est le problème de l'homme. Tout ça parce que l'orgueil s'exprime, puis l'orgueil refuse, l'orgueil c'est l'expression, parce que l'ego refuse de voir sa base chambranler. Un petit peu veut le prendre. C'est un petit trip, ça. Mais quand tu veux royalement donner ses vérités en pleine face, tu le prends plus en tout, il capote. Il capote pourquoi? Parce qu'il sait pas quoi faire avec. J'ai plus de base. Il a tout détruit mes bases. Ouais, mais ton mental, oh, moi je suis l'ego, moi je suis le mental. Il a tout détruit mes bases, plus le mental. Puis ton physique, oh non, moi je suis l'ego, moi je suis le physique. Il a tout détruit les bases, plus le physique. Tu suicides. Tu capotes et tu paniques. Mais c'est ça qu'il y a. Si on vous détruit les bases spirituelles, les bases religieuses, les bases au niveau de votre orgueil, de votre ego, ben il vous reste le mental pour comprendre. Fait que laissez l'ego arrêter de paniquer, puis le mental, vous pouvez éclaircir les choses. Il vous reste la vie, le vital. Il vous reste le physique, transporter le vital. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous ne comprenez plus rien. Pas grave. Dans 5 ans, des sites, vous allez être établi. Vous allez comprendre. Alors, ce qui fait que l'ego, c'est pas tout l'être au complet. C'est pas parce qu'on détruit des bases psychologiques qu'il reste plus rien dans l'homme. Il reste tout dans l'homme. Il reste toute la possibilité de devenir quelque chose. Fait que si je te dis simplement que t'as des cheveux blonds, je me dis franchement, le blond or, comme ceux qui ont les cheveux roux. Puis on me disait souvent qu'il y avait un cheveux roux parce qu'il y avait de l'eau dans la tête, puis les cheveux rouillaient. Bon. Tu sais? Alors, l'individu qui se fait dire ça, puis après, ça fait quoi? Tes cheveux, on s'en fout. C'est ce que toi, tu penses de tes cheveux qui est important. Puis ça, ça te magane en maudit. Parce que les énergies que tu pourrais mettre pour comprendre des choses, ben, t'es mis dans la protection de tes feux. T'es mis dans la protection de ton nez. T'es mis dans la protection de tes orteils. Hein? On fait du yoga, on ôte nos bas. Et il y en a qui gardent le bas. Parce qu'on disons cloche. Parce qu'ils ont des orteils, peut-être pas comme tout le monde. Ben, ton Dieu, c'est quoi les orteils comme tout le monde? Hein? Mais c'est plein de phénomènes dans le genre qui empêchent l'homme de comprendre, l'homme d'être bien et de s'exprimer. Parce que même l'orgueil va à l'encontre d'une émotion qui serait permise par le mental. Tu veux être bien, mets-toi donc à l'aise. Oui, mais je peux pas... Ben c'est ça, ton acide d'orgueil, il te saute encore d'en face puis t'empêche même ton mental de travailler. Ben il est là le problème de l'ego. Et c'est pas le rôle de l'ego de s'exprimer en orgueil. Le rôle de l'ego, je l'ai dit, il est minime. On n'en parle pas bien du rôle de l'ego, parce que l'ego s'en fout du rôle de l'ego. L'ego doit voir sa merde. Donc, l'ego doit voir le jeu qu'il joue et où il se prend au sérieux pour jouer un rôle, rôle qui est absolument inutile, qui est néfaste, qui est même dégueulasse pour bien les individus. Le rôle de l'ego, c'est simplement de permettre la naissance d'un corps mental, donc, de se servir de notre expérience, ce qui fait que vous êtes, vous autres. Hein? Ils là sont professeurs, ils ont de l'expérience. Pas fait job, pas sa maîtresse d'école de 1925, qui envoie des élèves d'un coin tous les 5 minutes parce qu'il faut qu'il y en aille d'un coin. Hein? L'ego, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est se servir de cette expérience-là pour pouvoir l'analyser mentalement, donc permettre à une forme intellect, à une forme mentale de naître, pour pouvoir justement pousser tout le schéma de l'homme, physique, vital, astral et maintenant mental, vers l'énergie intelligente, l'énergie du supramental. Pas s'imaginer qu'il est supramental lui-même, il est supracon. Daniel, si on regardait peut-être une autre facette ou un autre aspect de la question, on a noté que lorsque la lumière descend profondément dans l'âme, c'est-à-dire plus la lumière descend, plus il y a un nombre proportionné au degré de lumière à l'intérieur de l'âme. On a aussi noté, disons, dans la dualité, si ça se trouve être la dualité, ça, que lorsque l'homme avance vers une recherche de conscientisation ou de connaissance, il recule en même temps, il s'éloigne du côté opposé. Puis lorsque ceci arrive, l'ego, il se sent déchiré. La même chose lorsque la lumière arrive. Ainsi parce que les bases de l'ego sont ébranlées. Alors, à ce moment-là, parce que c'est très subtil, là, disons que ça rencontre peut-être, ou c'est peut-être parallèle avec tout ce que c'est que tu viens d'exprimer, mais c'est une façon tellement subtile que les gens qui n'ont pas beaucoup d'ego ou d'orgueil s'en rendent même pas compte des fois. Quel est le rôle, justement, de l'ego lorsque cela se produit? Parce que, comme je dis, je répète là, pour qu'on comprenne bien, lorsque la lumière descend, proportionnellement, il y a un nombre de mêmes forces qui existent. Alors, ça, c'est lorsque l'homme annule de plus en plus son orgueil, que cela se produit. Et puis, l'homme va arriver à un moment donné où il n'aura plus de mémoire. Il n'aura plus besoin de mémoire parce qu'il va être en contact avec un savoir instantané, et l'esprit saint ou encore l'énergie supramentale. Cette ombre-là qui parle, c'est que quand une forme d'énergie intelligente, que tu appelles lumière, descend dans l'homme, automatiquement les forces négatives apparaissent dans l'homme, l'ombre que tu parles. D'où elles viennent, ces forces négatives-là, c'est simple. À un moment donné, tu as l'âme, tu as le périsprit, tu as la mémoire volatile qui est les mémoires subconscientes et les mémoires de l'homme que l'homme ne se sert pas nécessairement. Et tu as la densification des mémoires par l'identification qui est l'ego. Bon, il y a plusieurs formes d'expression de tout le schéma dans l'homme. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que quand une forme d'énergie intelligente, qu'est-ce qu'elle fait, cette énergie-là? Elle vient simplement permettre à l'ego de grossir. C'est-à-dire qu'elle vient personnaliser l'ego, donc elle vient taper un peu sur l'ego pour ébranler ses bases, pour que l'ego finisse par admettre qu'il n'a pas sa volonté à faire, mais celle du père, le père mental. Et le père mental, donc, quand tu es devenu personnalisé mentalement, tu découvres, comme le Nazaréen l'a dit, que tu ne fais pas ta volonté, mais celle du père, l'énergie supramentale ou l'Esprit Saint. Et à un moment donné, tu peux aller plus loin. Ce qui arrive simplement, c'est que l'énergie descend dans toi. Elle vient donc perturber les bases de l'ego. Et l'ego, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'ombre qui apparaît là-dessus? C'est la mémoire volatile, donc tout le reste qui n'est pas encore égoïque et qui va être attiré par l'ego pour venir à la rescousse de la descente d'énergie. Donc, tu vides la mémoire volatile, donc tu détruis ta mémoire, pour en faire de l'ego. Donc, ton ego a tendance à vouloir grossir pendant que tu te conscientises.

Et quand il va être tanné de jouer avec vous autres, là, il va vous tuer. Il peut vous arracher un bras, une jambe, il peut vous meurtrir, il va vous promener, il va vous foncer dessus, il va vous éviter, il va vous faire peur. Les polars, c'est le seul animal, justement, qui a du regret. Et c'est un des rares animaux qui va trouver une femelle ou un mâle, et ces deux-là vont passer leur vie ensemble. Les polars n'auront pas, par exemple, une procréation avec une femelle, et après ça, il abandonne la femelle, il trouve une autre femelle plus tard. Les polars passent la vie ensemble, et croyez-moi, ils vivent longtemps. La science détermine l'intelligence d'un individu par rapport au nombre de plis sur le cerveau. Les polars ont un cerveau aussi gros que le cerveau humain, mais, détail, il est plus plissé que le cerveau humain. Et en termes d'information, deux polars n'échangent plus d'informations qu'en une heure que d'informations contenues dans la Bible. Et l'homme ne le fait pas. Mais les polars ont une évolution cérébrale du tonnerre, mais n'ont pas un corps physique pour lui permettre justement d'arriver à faire ce qu'on fait.